Le lendemain, 22 octobre à 8h, Thalcave donne un signal du départ. Au moment de partir, il s'y fait d'une façon particulière. Aussitôt, un magnifique cheval argentin sortit d'un petit bois peu éloigné et se rendit à l'appel de son maître. Ce bel animal s'appelait Tahuca, c'est-à-dire oiseau, en langue patagone. Il méritait ce nom à juste titre. Lorsque Thalcave fut en selle, son cheval bondit sous lui. Son harnachement comportait les deux instruments de chasse usités dans la plaine argentine, les bolas et le lazo. Les bolas consistent en trois boules réunies ensemble par une courroie de cuir. L'Indien les lance souvent à 100 pas de distance sur l'animal ou l'ennemi qu'il poursuit. Le lazo, au contraire, se compose uniquement d'une corde longue de 30 pieds, formée par la réunion de deux cuirs bien tressés et terminée par un nœud coulant qui glisse dans un anneau de fer. C'est ce nœud coulant que lance la main droite, tandis que la gauche tient le reste du lasso dont l'extrémité est fixée fortement à la selle. Une longue carabine mise en bandoulière complétait les armes offensives du Patagon. Thalcave prit la tête de la troupe. Au pied même de la cordillère commence la plaine des Pampas. En dehors des gorges de la cordillère, la troupe de Glenarvan rencontra d'abord une grande quantité de dunes de sable. Et vers 6h, les cordillères, éloignées de 40 milles, présentaient un aspect noirâtre déjà perdu dans les brumes du soir. Les voyageurs campèrent sur les bords du rapide Neuquén, un rio torrentueux aux eaux troubles encaissées dans de hautes falaises rouges. La nuit et la journée suivante n'offrirent aucun incident digne d'être relaté. Le soir venu, une barre de nuages raya l'horizon du sud-ouest. « Nous allons avoir, dit Paganel, un coup de pampero. C'est un vent du sud-ouest très sec. » En effet, le vent souffla avec une grande force. Les chevaux se couchèrent sur le sol et les hommes s'étendirent près d'eux, en groupe serré. À 1h du matin, le vent tomba subitement et chacun put trouver, dans le sommeil, un repos réparateur. Le lendemain était le 24e d'octobre et le 10e depuis le départ de Talcahuano. 150 kilomètres séparaient encore les voyageurs du point où le Rio Colorado coupe le 37e parallèle, c'est-à-dire 3 jours de voyage. Plusieurs fois la route, suivie par l'expédition, coupa des sentiers de la Pampa, entre autres une route assez importante, celle de Carmen à Mendoza.